que moi pour tomber amoureux d'une fille qui n'approuverait pas la vie à deux. La seule au monde enfin je crois si belle, si généreuse. La seule qui danse autour de moi pour me rendre heureux. Au seul son de sa voix une larme douloureuse remplit mes yeux et moi tout bas je rêve un peu. Les sirènes qui chantent comme ça lorsqu'elles sont malheureuses est-elle alors la fille d'un roi, une enchanteuse? Son cœur n'est pas assez grand, y a pas la place pour aimer. Ses yeux sont recouverts de sang, elle vient pleurer. J'aimerais bien disparaître un jour sous des milliers de fleurs, me faire une place en amour au fond de son cœur. C'est bien que tout ça n'est qu'un poème, mais ce qui fait tout mon charme de l'histoire, c'est que j'aime quand même. C'est vrai que je la connais pas, je ferais bien trop d'envie. Je ferais tout, mais je prierai pas, je crois pas en Dieu. J'ai bien assez de croire en moi, je n'y arrive qu'un jour sur deux. Le reste du temps, je n'existe pas, je suis malheureux. Je reste planté là, je vais prendre du retard. Le temps qui passe ne l'atteint pas, je deviens trop vieux. Ne vous demandez pas d'où me vient cette histoire. C'est bien réel, il suffit d'y croire un peu. Son cœur n'est pas assez grand, y a pas la place pour aimer. Ses yeux sont recouverts de sang, elle vient pleurer. J'aimerais bien disparaître un jour sous des milliers de fleurs, me faire une place en amour au fond de son cœur. Je sais bien que tout ça n'est qu'un poème, mais ce qui fait tout le charme de l'histoire, c'est que je l'aime quand même. Il n'y avait donc que moi pour tomber amoureux de cette fille qui n'approuve toujours pas la vie à deux. La seule au monde enfin je crois si belle mais si dangereuse. La seule qui danse autour de moi qui me rend heureux. Son cœur n'est pas assez grand, y a pas la place pour aimer. Ses yeux sont recouverts de sang, elle vient pleurer. J'aimerais bien disparaître un jour sous des nuits. Me faire une place en amour au fond de son cœur. Je sais bien que tout ça n'est qu'un poème, mais ce qui fait tout le charme de l'histoire, c'est que je l'aime quand même. Son cœur n'est pas assez grand, y a pas la place pour aimer. Ses yeux sont recouverts de sang, elle vient pleurer. J'aimerais bien disparaître un jour sous des milliers de fleurs, me faire une place en amour au fond de son cœur. C'est bien que tout ça n'est qu'un poème, ce qui fait tout le charme de l'histoire, c'est que je l'aime quand même.